Le billet par Henri Barbusse. Au bord de la grande plaine morne, couleur de vieux habits, la pauvre petite maison s'éteignait dans le soir. Juliette attendait le grand-père. Sa mignonne figure se posait à la façon d'une large rose en haut de la palissade entourant le jardinet, pelée et moussue par plaques, et que le crépuscule l'assombrissait comme eût fait une averse. Le grand-père arrivait tous les jours par le côté où les cheminées de la ville dessinent leur fine écriture sur le jaune du couchant. Turcot attendait aussi le maître en frémissant de désir, et en levant de temps à autre vers elle sa figure de caniche noire, sur laquelle l'ombre ne laissait plus voir que l'amour. Or, parmi la foule des travailleurs qui rentraient, qui s'émiettaient hors des faubourgs, la jeune fille et le chien reconnurent le vieil homme. Il avançait à longues enjambées, en gesticulant. Quand il fut sur le chemin de traverse, on entendit qu'il riait. Il embrassa sa petite-fille sans cesser de rire bruyamment. Arrivé dans la chambre basse où Turcot se multipliait autour de lui, il cligna des yeux, proféra un gros juron, asséna sur la table un coup de poing qui fit vibrer dans le mur noir la fenêtre bleue. Enfin il dit « Voilà !» et il posa au milieu de la table un billet de banque et une pile de sous. « C'est 100 francs et 17 sous. Tu pourras te marier avec le grand flacard. »« Ah !» fit Juliette en extase. « Grand-père, comment as-tu fait ?» Le vieux prit un air malin. « Comment ?»« Eh bien, il s'était arrangé avec son patron pour travailler en supplément. Il avait économisé sous par sous. Il y avait 1000 temps d'âme. Enfin quoi ? C'était là de l'argent qu'on ne devait à personne. Et la petite pourrait se marier avec Flacard, puisque cette poule mouillée de Flacard avait besoin de 100 francs pour se rendre libre, se débarrasser de la sale Rosa. » Toute la soirée, on parla de Flacard, qui n'était pas courageux, mais qui était beau, et de mariage et de bonheur. Le lendemain, le vieux partit au travail dès le matin. Juliette tourna dans la maison avec Turcot, à qui elle dit « Je suis contente ». Turcot comprenait ce genre de confidence. Il flairait le bonheur, parfum si subtil que seuls les chiens sont dignes de sentir. Elle lui raconta qu'on serait heureux avec le grand Flacard, puisque celui-ci allait pouvoir lâcher sa poison, cette Rosa grippée à lui. S'il n'y avait pas eu les 100 francs, qu'est-ce qu'on serait devenu ? Elle chanta, se mira dans un bout de glace et noua un ruban bleu à son cou. Turcot la suivait des yeux, soigneusement, profilée de tout ce qu'elle faisait, de tout ce qu'elle disait. Jadis, il avait été jeune comme elle. Maintenant, il était plus vieux encore que le grand-père. L'âge avait sali son poil noir. Il présentait un dos rugueux par places comme la main d'un charbonnier. Mais Juliette était fière des beaux yeux marrons du chien qui savait de plus en plus lui regarder le cœur. Elle lui montra le billet de 100 francs dont l'arrivée changeait la face des choses. Intéressé, il sauta pour l'atteindre. Vivement, elle le plaça hors de portée sur le couvercle de la boîte à sel, pendue très haut près de la porte. Ensuite, elle parla d'autre chose, chanta de nouveau et de nouveau contempla sa joie au miroir. À l'heure du déjeuner, elle poussa jusqu'à la palissade avec l'idée qu'elle verrait peut-être passer Flacard, qui travaillait au terrassement de la voie, et lui annoncerait... Elle fut assaillie par un si brusque coup de vent qu'elle s'arrêta. Impossible d'avancer, tant le vent agitait brutalement ses cheveux autour de sa mince figure, sa jupe légère sur ses fines jambes. La palissade tremblait de tous ses membres. L'arbre maigre du coin avait l'air plié et malheureux comme quelqu'un. Et même la porte de la maison, qu'elle avait poussée sans la fermer, s'était ouverte sous le choc du vent qui était entré dans la chambre. On voyait, à travers les vitres, les rideaux de percale danser. « Turcot » appela-t-elle. « Où es-tu ? » Il était resté près du seuil. Il jouait avec un bout de papier. Un pressentiment la poigna. Elle s'élança. À sa vue, le chien appa le papier et d'un coup l'avala, puis rassurée, la regarda. Rentrée, elle poussa un cri aigu. D'un clin d'œil, elle avait vu, elle avait compris. Le vent avait fait envoler le billet de banque. C'était lui que le chien avait saisi et mangé sous ses yeux. Elle empoigna sauvagement Turcot, lui desserra les mâchoires, enfonça ses doigts dans sa gueule chaude qu'il maintenait ouverte le plus qu'il pouvait. « Plus rien !» Elle le lâcha, éclatant en sanglots, courut çà et là dans la chambre, en tordant ses mains tandis que Turcot la fixait attentivement, avec le doux espoir de ne rien perdre de ses gestes. Ah, elle savait bien ce qui arriverait. Le grand-père allait rentrer dans un instant. C'était l'heure. Dès qu'il saurait, il tuerait Turcot pour avoir le billet. c'est le seul moyen, en pareil cas, personne ne l'ignore. Les drogues ne servent à rien du tout, il faut tuer la bête et tout de suite. Oui, le vieux qui était résolu et dur pour les autres se dépêcherait de tuer Turco. Il saisirait un bâton ou un couteau. Il l'attacherait, puis vite il l'assommerait, l'égorgerait, et on retrouverait dedans le pauvre corps, en fouillant le billet de banque. Elle se dressa soudain, aussi secouée que tout à l'heure sous l'ouragan. Un bruit de pas se faisait entendre. Le grand-père s'avançait vers la maison, et il était accompagné du beau Flacard, et on les voyait sourire. Éperdument, elle regarda Turco, et Turco la regarda avec ses yeux bruns émerveillés d'elle, et qui montrait la beauté de sa bonté. Les deux hommes entraient en tumulte joyeux. Rélie devant eux, comme si elle leur barrait le passage, pleurnichant, reniflant, le nez baissé, elle balbutia. « Grand-père, grand-père, l'argent. J'étais sorti sur la route en emmenant Turco. Quand nous sommes revenus, on était entrés. Des gens, on avait volé l'argent. Je les ai vus, qui couraient par là-bas. » Le choc arrêta net les arrivants et leur fit geindre un son rauque. Le grand-père blêmit, rugit et s'écroula sur un escabeau en soufflant comme une machine, tandis que le joli Flacard, tout à fait décontenancé, se balançait. « Faites excuse, » dit enfin Flacard avec sa belle voix grave. « Mais... » Et il fila sans achever sa phrase et sans regarder personne. Lorsqu'il eut disparu, Juliette n'osa pas aborder l'aïeul encore travaillé par la stupeur. Mais elle s'approcha instinctivement de Turco et presque malgré elle, lui tendit les bras. Le chien se dressa debout contre elle, les pattes sur sa poitrine. Elle l'étreignit très fort, le contempla de ses yeux baignés de pleurs, de ses yeux qui, dans leur détresse infinie, disaient « Je t'ai tout de même sauvé la vie. » Une larme de Juliette roula sur la face de nègre de Turco. Il sentit ce regard le toucher. Il répondit par une sorte de brève exclamation plaintive. Il répondait aussi par la tiédeur précieuse de sa tête pressée sur le sein de la jeune fille. Ensuite, il aboya deux fois, puis ne dit rien de plus. Il trouvait cela tout simple, comme un grand cœur qu'il était. C'était Le Billet d'Henri Barbusse.